émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kenza Farah. Passez une bonne soirée, c'est la troisième soirée avec Kenza, comment va? Au top. Au top, bien. On est là. Tout se passe bien, l'album c'est dans 5 jours maintenant, sorti lundi dans les bacs. Exactement. Cet album qui s'appelle Charismatique, le cinquième de Kenza déjà. Et oui, déjà, cinquième album, Charismatique, dans les bacs lundi. Ouais. Et tu n'es pas venue seule ce soir? Non, je ne suis pas venue seule, j'ai une invitée. Mm-hmm. Une invitée surprise. Et un retour. Un retour, exactement. Exact. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon histoire et l'histoire de Charismatique, c'est une personne qui fait partie intégrante du label, qui a marqué le rap. Voilà, c'est une artiste rap féminine que j'apprécie énormément. Et donc voilà, elle est à mes côtés ce soir pour son retour. Et voilà, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période, ces années. Voilà. Pendant ces années. Exactement, elle est de retour et elle est bien chargée. Donc voilà, on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre temps. Donc c'est Kylie. Bien chargée d'expérience. D'expérience, de bagages, de diplômes. Ah oui, parce que. Ah ouais. Ça n'a pas plaisanté. Ah, ça n'a pas rigolé. Tu veux la présenter tout de suite ou. Ouais, ben oui, elle est là avec moi. Donc Kylie qui est avec moi à mes côtés. Bonjour. Ça va, Kylie? Ça va très bien. Merci. Tiens, prends bien le micro, quoi. T'as perdu les habitudes. Voilà, tu viens plus. Voilà. Ça va en pleine forme? Ça va. C'est vrai que tu avais disparu, même je pensais que tu avais arrêté le rap un moment. Ouais, parce qu'en fait. Je suis arrivée à un stade de ma vie où il fallait continuer les études et je pouvais pas gérer les deux. Donc du coup, je me suis consacrée en partie intégrante aux études pour pouvoir après. Études de droit. Études de droit et alors? Voilà, tout va aujourd'hui, bien je suis juriste en droit des affaires et fiscalité. Voilà, avocate. Ok. On a une avocate, un charismatique, c'est frais. Hein, c'est pas mal, mais c'est bien aussi, il en faut d'ailleurs. Voilà, rappeuse et avocate. Mais là, ça veut dire que tu vas reprendre un peu le rap aussi par passion ou... Oui, bien sûr. Très bien, donc on t'entendra peut-être ce soir. Oui, on va l'entendre. Elle va faire un freestyle très très lourd en fin d'émission. Et voilà, elle est avec moi, elle m'accompagne pour l'émission d'aujourd'hui. Eh ben, bienvenue Kylie, bienvenue aussi un retour. Il y a beaucoup de retours ce soir dans l'émission puisqu'il est au platine. Exactement. Pendant deux soirées je crois pour ton Planète Rap. Exact. DJ Goldfinger. Yeah. Voilà. Ça va bien Goldfinger? Ah, ça va. Et toi aussi c'est un retour, mais toi t'avais pas arrêté. Hein. Tu continues à tourner un peu partout. Voilà, je vois que t'as sorti des projets, club, des petits projets à droite à gauche. Un retour sur Skyrock, ça fait plaisir. Et puis j'en profite pour remercier Kenza Farah pour son invitation, un petit big up à Abdel aussi, voilà. Avec plaisir. Toujours là pour les gens grand que j'apprécie. Didier. Et bah toujours là, en pleine forme, aussi bien Kylie que Goldfinger. Ouais, super contente. Qu'on écoutera au platine tout à l'heure. Et là, avant de débuter le Planète Rap, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ok. Allez, c'était hier dans l'émission. Planète Rap, le replay. Et c'est parti pour une nouvelle soirée dans Planète Rap avec Kenza Farah. Bienvenue, comment ça va Kenza? Ça va au top. Ça va au top, merci, tout va bien. Au top, je vais faire des morceaux en live et il y aura aussi des titres qu'on va découvrir ensemble. On va commencer par Il est parce que c'est le nouveau single que j'ai clippé. Il est tombé sur ma route, il a chamboulé ma vie. Il m'a dit comment tu t'appelles, je n'ai pas su lui dire. Il m'a fait bégayer. Il est Skyrock. Yes. Et on a celui qui a bossé avec toi sur ce morceau. Exactement, sur ce morceau et qui a fait la colonne vertébrale de l'album. Il y a pratiquement une dizaine de titres sur les 13, qui est donc monsieur Canardo. Comment ça va? Ça va très bien. Bon anniversaire. Hier, on te l'a fêté en direct, c'était hier. Merci Kenza. Ça m'a fait super plaisir de travailler sur ton album. Ouais, c'est cool, incroyable. Moi aussi. Parce qu'elle a toujours ce truc hip-hop en elle. Et toi, tu faisais quoi? T'avais déjà des sons? T'avais déjà pas mal de sons de côté? Non, on a fait écouter sur mesure. Que du sur mesure. Ouais. Sur mesure. On a taillé sur mesure. C'est important. Mon petit jeu de ce soir. Petit jeu 13 ou 93. Petit jeu, je un petit peu. Donc 13 ou 93, le principe est simple. L'endroit où tu te sens le mieux. 13. Ah ouais, là c'est sorti du cœur. C'est normal. C'est ma ville. J'ai la... Un stade synonyme de victoire. Stade Vélodrome. Elle est trop forte. Elle est 13. Elle est trop forte. Tu pensais pas au stade du Red Star à Saint-Ouen? Non. Non, pas du tout, à aucun moment. La dernière 13-93, Kenza Farah. 93 ou 93 13 et 93. Voilà. Le replay. Elle est la soldate qu'on connaît pour le 25 janvier au Zénith de Paris, s'il vous plaît. Les places sont en vente ou prochainement? Les places sont en vente. Et c'est vrai que là, même pendant le Planète Rap, c'est la première fois que je fais les titres en live et tout. Donc j'ai un petit peu peur et tout. Mais c'est marrant de les découvrir. Ouais, voilà, c'est cool. C'est parti pour le live. Je ressens comme une insulte dans le mot étranger. Déjà ma couleur non ne m'aide pas. D'où je viens ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça je regrette pas. Déjà ma couleur non ne m'aide pas. D'où je viens ça ne m'aide pas. Voilà, c'était hier soir. C'était trop bien. Résumé de l'émission, allez, en 3 minutes, c'est ce qu'on a pu écouter. Et puis là, c'est parti pour une nouvelle soirée 20h pile sur Skyrock avec Kenz, avec Kaylin, qui fait son retour ce soir dans l'émission. DJ Goldfinger sera aussi au platine tout à l'heure, un gros live de prévu. Exactement. Et est-ce qu'on débute avec le Ilé comme chaque soir? Comme chaque soir, on débute avec le Ilé. C'est le nouveau single, il est disponible sur iTunes. Le clip, il est tourné, il arrive dans les jours, voire les heures à venir. Je te demande plus, hein. Et voilà, je l'aime beaucoup ce titre. Je trouve qu'il est très souriant et ça nous arrive à tous. On tombe tous amoureux un jour dans notre vie et voilà, ça arrive à tout le monde. Il est tout de suite, c'est extrait de l'album Charismatique qui sort lundi. Yes. Pas trop de questions, laisse parler ton cœur, laisse parler tes pulsions. Vu comment tu le décris, je crois qu'il a tout pour plaire. Il a le regard qui tue, le regard revolver. Il te fait rire et attise ta flamme. Un peu gogol, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Je vois que tu n'endors plus la nuit. Ton petit cœur s'emballe quand tu nous parles de lui. Envie de lui perdre, tu fais des efforts. Faut limite pour l'avouer, tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais, t'es plus la même depuis qu'il est. Célibataire car l'amour m'effraie. Maintenant regarde-toi pour un rien tu ris. Plongé dans tes textos dans une autre galaxie. T'en deviens fou quand t'as plus de batterie. Tu te sens plus quand elle t'envoie des petits com. Des petits com. Et quand elle t'appelle baby love. Envie de lui perdre tu fais des efforts. Limite pour l'avouer tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais t'es plus le même depuis qu'elle est. Il m'a fait bégayer. Il est C'est Skyrock et c'est Kenza Farah, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap avec ce morceau qui s'appelle Il est Kaylin. Et là aussi, c'est un grand retour ce soir dans l'émission. Grand retour après combien de temps? 4 ans. 4 ans. 4 années d'absence. D'études, elle revient. Et reprend le micro. En mode avocate et en mode rappeuse à fond. Bon, à Nabila est là aussi, on la salue. Nabila, évidemment. Elle est là, elle fera, Abdel, elle fera un très beau live demain. Goldfinger qui est là. Goldfinger. Du public. Ah. Les filles de chez Red Bull qui nous ont mis bien ce soir, merci mademoiselle. Voilà. Merci Red Bull. Voilà, elles sont merci à Karim de Red Bull aussi. Leur gros sac. Ah oui. Ah, t'as déjà tes connexions Abdel. Trop fort. Et donc Kenza, cet album qu'on va découvrir tous les soirs entre 20 et 21, on va passer à un autre morceau dans quelques minutes. Ouais, on va passer à un autre morceau. C'est un titre que j'ai interprété hier en live qui s'appelle Mi Amor. Donc c'est un titre que j'ai travaillé avec Redouane. Un titre. Une chanson d'amour avec des influences un petit peu hispaniques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pratiquement dans tous mes albums ce côté un petit peu andalou. J'aime beaucoup la musique espagnole, gitane. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, je vais le passer. Et ben on va le découvrir maintenant. Ouais. On va juste. Kaylin, toi t'as écouté un petit peu, t'as suivi quand même un petit peu. Tu suivais régulièrement ce que faisait Kenza. Oui, j'essayais. Tout ce qui se passait. Tout le temps, toujours en contact. On a toujours été en contact. On avait toujours nos numéros, donc on s'appelait régulièrement. Yes. Même avec Abdel, Kenza. Ouais, ouais. Voilà. C'était pas trop dur cette période. Non, t'étais plongé dans les études. Voilà, ouais, il fallait. Voilà, ça y est, t'es armé. Ouais, les bagages, voilà. Diplômé. Tu peux kicker de nouveau. Et d'ailleurs, on aura la preuve. Il y a un projet que tu comptes sortir ou c'est trop tôt là pour en parler? Ah, voilà. Abdel. Il y a des choses qui se préparent. Ça va arriver dans les. A priori, Abdel est déjà tué. Hein, voilà. Ça a pas lâché. Donc, dans quoi? Dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir. Ah oui, donc. Rapidement, en fait. Ça va, t'as pas perdu les. Très, très, très vite. T'as pas perdu les réflexes? Bon, on va voir ça ce soir. Tu continues à écrire quand même un petit peu pendant ces périodes? Oui, oui. D'ailleurs, on peut la suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. C'est @officielkaylin. Officiel Kaylin pour avoir des nouvelles et pour Twitter. Voir les toutes dernières images. On met le morceau et puis après, nous, on est descendu dans la rue. On était demandé aux gens comme ça qui passaient ce qu'ils pensaient de toi. Ok. C'est le son de la rue que tu pourrais écouter. Ok, toi qui, d'accord. Toi qui aimes la rue, justement, qui aime savoir ce qu'on pense de toi. Ouais, ben, on vient de là. Hein. Et ben voilà, et ben, on sait ce qu'on pense aussi sur les réseaux sociaux. On voit le nombre de messages qui n'arrêtent pas avec. Merci beaucoup pour tous vos messages. Franchement, ça tue. Céline, Lucie, Alan. Charismatique Kenz, Yanis Charismatique, Anaïs Messaoud. Merci beaucoup. Tous vos messages, ils arrivent et voilà, ils nous touchent. Ils font très très chaud au cœur. Lil Dan, Kif Kif KF. Merci beaucoup. Mi Amor, on l'écoute et puis après, on descend dans la rue voir ce que pensent les gens de Kenza. Yep. Bougez pas. extrait de l'album Charismatique, l'album qui arrive lundi, production Red One, c'est ça hein. Production Red One, ouais. Voilà. Compositeur, producteur, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Akon, Cade Luna. Quelle liste et pour tout, Red One. Et tout. Voilà, super, super contente, grand honneur. Vraiment, j'ai bossé avec vraiment que des personnes passionnées et très talentueuses sur cet album, donc je suis très contente. Il s'appelle Charismatique, on peut le précommander aussi, on peut y aller dès maintenant. Ouais, il est disponible sur iTunes en attendant la sortie physique lundi partout dans les bacs. Bon, allez faire un tour dans la rue maintenant, si tu veux bien, okay. Kenza. Nous on est descendu avec un micro au cœur de la rue pour savoir ce que pensent les gens qui sont pris au hasard hein, vraiment. D'accord. Ce qu'ils pensent de toi, la réponse c'est maintenant. Vous connaissez Kenza Farah ou pas? Qui la connaît pas? J'aime bien ces chansons. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. J'adore ses musiques, je l'écoute depuis longtemps. Je l'adore Kenza Farah. Je me bats. J'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude. Comment dire ça? Dans ses paroles, bah je sais pas, comment dire ça? On ressent ce qu'elle dit. Ouais, voilà. Bah, faut qu'elle continue comme ça, parce que je pense qu'elle pourra arriver loin. Kenza Farah, bien. J'écoute pas trop du Kenza Farah. Elle se prend pas trop la tête, elle est pas là, à se raconter ou autre. Moi, ouais, ça fait 10 ans peut-être, quand elle chantait Il m'a trahi. Ouais, bah ouais, on la connaît Kenza Farah. On écoute que Skyrock. Non, c'est sympa, c'est cool pour les jeunes, mais c'est vrai que voilà, ce qu'elle raconte, ça me touche pas forcément, quoi. Ouais, elle a une belle voix, elle est plutôt mignonne et. Non, Kenza, franchement, continue ta musique. Elle est plutôt. Mignonne. Ouais, mignonne. Ouais, franchement, on a bien ce qu'elle fait, qu'elle continue. Franchement, c'est pas mal. Ouais, elle est mignonne, mais je suis plus rap US. Je veux qu'elle sorte un nouveau son pour moi. Sincèrement, ça va, mais là, on l'entend plus trop. Hein. Bah, c'est une chanteuse très bien, elle fait bien son métier. En direct, là. Ah ouais. Voilà. Cool. Tu fais bien ton métier. Ouais, merci. Bon, et pour ceux qui aiment pas, il faut que tu fasses du rap US maintenant. Non, mais il y en a pour tout le monde. Il voilà. y a pas qu'une... une artiste, c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes, qu'il y a plein de styles différents. En tout cas, ça fait super plaisir. Moi, ma plus belle récompense et ma plus belle victoire, c'est quand on me dit bah, tes paroles, elles nous touchent, t'es comme nous, c'est vis ce les choses. Aussi, hein. C'est ce qui revient le plus souvent et moi, c'est ce qui me fait plaisir. Touche, ouais. Parce que depuis le début, c'est vrai que j'essaie de parler avec mon cœur, de parler simplement, de dire les choses vraiment comme je les ressens, les écrire sur ma feuille et les interpréter vraiment le plus simplement et le plus naturellement possible. Donc si ça se ressent, pour moi c'est l'essentiel. Et je suis super contente et je les remercie, je leur fais des gros bisous. Voilà, tous ceux qui ont participé, on les salue évidemment sur Skyrock. Dans un instant, on va revenir, on mettra un autre morceau avant de passer au live, gros live de prévu dans quelques minutes. Ouais. Avec Goldfinger au platine, avec Kylie au micro qui nous lâchera un petit yes. 16, un peu plus. Yes. Ciao mesdemoiselles, merci d'être passées avec vos gros sacs. Et nous avoir mis bien ce soir, sympa. Yeah. Et donc ouais, Kylie, c'est quoi un peu plus qu'un 16 ce soir. Ah oui, mais tu vas kicker. Ouais. Après avoir plaidé toute la journée au tribunal. Ouais, voilà. On aurait dû la faire venir en robe. Mais tu sais que c'est assez hallucinant parce que c'est vrai que moi j'ai aussi une image de toi où t'es quand même assez timide, enfin réservé peut-être. Oui, voilà. Plus réservé. Mm-hmm. Et je me dis quand tu dois commencer à rentrer là en plaidoirie machin et tout, ça doit. Je refuse. Objection, votre honneur. Allez au state, Kenza, ça y est, parti. Non, mais en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir parce que voilà, on s'est connus et on s'est appréciés dans la musique. Mais il n'y a pas que la musique, et vraiment, moi, mon objectif, bah, aussi bien pour Kylie que pour Nabila ou pour Aaron, qui sont des artistes du label. Et là, qu'on salue aussi Aaron, hein, qui exactement, nous a rejoint. C'est pas forcément, on va dire, on veut bien sûr faire de la musique, on a envie de faire des projets, de faire en sorte que ça marche. Après, voilà, on n'est pas magicienne non plus, mais on va donner toutes les armes, et que ça soit de la réussite personnelle, dans la vie personnelle, comme là, Kylie qui est avocate, c'est quand même très beau, ou dans la musique, où on va essayer, pareil, de pousser, etc., bah, c'est toujours très valorisant. On est super content, vraiment super super content. Bon, pour elle, Kéline, si tu devais plaider pour Kenza, qu'est-ce que tu dirais pour qu'on aille se procurer cet album? Bah, franchement, c'est quel mot tu nous sortirais dans une plaidoirie? C'est une artiste talentueuse qui a toujours fait, qui a su faire ses preuves, qui voilà aujourd'hui a sorti un nouvel album qui comme d'hab, il est fidèle à, elle a toujours été fidèle à elle-même. Donc, pas mal, on va peut-être la garder. C'est, hein. c'est une personne naturelle et c'est ce qui fait qu'on se reconnaît dans ses textes et dans la personne qu'elle est. Allez, je suis déclarée innocente. innocente. C'est cool. Ou coupable dans les bacs dès lundi, avec la sortie de cet album charismatique sur Skyrock. Non, mais c'est bien en même temps. C'est vrai que sur un parcours comme Kalin, ce qui est aussi intéressant, parce que moi j'arrête pas de le dire à l'antenne depuis des années, évidemment que la passion c'est de chanter, de faire du rap pour les gens qui nous écoutent. Mais pensez aussi aux métiers qu'il y a derrière, parce qu'il y a des métiers super importants et il manque de gens, je suppose, comme toi, Kaylin, dans l'urbain, notamment dans cette musique urbaine, des gens qui vont devenir soit des managers, soit des gens qui vont aller dealer les contrats, parce que de temps en temps, il faut aussi aller au charbon là-dessus. C'est important, donc voilà, t'en as un bel exemple. Ça t'empêche pas de continuer à rapper, on en aura la preuve tout à l'heure. Ouais. Et en même temps, tu plaides. C'est ça. Très bien. Au top. C'est quand la prochaine plaidoirie qu'on vient de te voir un peu, est-ce que ça donne Le 9 octobre. Ok. Allez, tous au tribunal de Bobigny. Tous à Boboche. Souvenir Kaylin. Voilà. Bon, dans un instant, on revient. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Kenza? Alors, on va passer le titre Entre deux rives. Ah, bah celui-ci aussi, tu l'as fait en live. Exactement, hier. Exactement, je l'ai fait en live hier. J'ai eu de très très bons retours. Et puis, on en parlera un petit peu aussi après l'avoir écouté. Allez, bougez pas, Entre deux rives sur Skyrock. La petite question dans un instant aussi pour repartir avec l'album dédicacé de Kenza. Et puis, gros live qui se prépare après ça. Comme toi, Kenza Farah a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. On est avec Kenza toute la semaine et son album qui sort lundi en précommande dès maintenant. C'est charismatique, 5e album pour Kenza qu'on découvre sur Skyrock. Album t'enregistré un peu à Marseille ou même pas d'ailleurs? Si, Marseille, on a fait beaucoup de pré-prod, de maquettes, etc. Et après, on a enregistré des voix def sur Paris, au studio de la scène. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et puis, ça a permis aussi de voir deux choses vraiment différentes, de prendre du recul, écouter les titres, choisir les meilleurs, etc. Et ça s'est découpé un petit peu comme ça. D'abord, les maquettes, les pré-prod, etc. Et après, on a enregistré les voix définitives sur Paris. On a mixé à Paris. Et on a fait le mastering à New York. Bon. Marseille, Paris, New York. Exactement. C'est tout droit. C'est ça. C'est toujours tout droit. Tiens, en parlant de Marseille, il y a Sopra qui prendra ta place dans 15 jours. Yes. Sopra qu'on salue et on fera un Planet Rap délocalisé, c'est-à-dire qu'on va aller dans une salle de concert, quelque part dans Paris pour l'instant. On a lancé ça depuis ce matin, c'est pratiquement blindé pour les 5 jours. En plus, c'est déjà quand même une salle importante. Je crois qu'il reste quelques places. Allez faire un tour sur skyrock.fm, il y a une petite vidéo où on vous explique tout. Inscrivez-vous pour voir et découvrir l'album de Sopra. Gros big up à Sopra et aussi à mon frérot de fou, Alonso aussi. Titre. Oui. Très bientôt, le jour de la sortie de mon album aussi, le 29, il y a un nouveau titre qui arrive qui est très très très lourd. Voilà, Donzo, c'est vrai que ça fait partie de ton histoire aussi, hein, parce qu'il était là depuis le début. Exactement, c'est le premier rappeur avec qui j'ai collaboré à Marseille. Et on a fait plein de titres depuis, et on a fait d'autres choses, et ça arrive, et voilà. Ah. C'est pas sur cet album, mais il y a des choses qui se sont faites. Il y a d'autres surprises. Ouais, il y a d'autres surprises. Très bien. On écoute le morceau maintenant. On avait dit qu'on le balançait. C'est un morceau que tu as fait en live hier soir. Ouais, exactement. Ben, on y vient, vu qu'on parlait de Marseille. Et c'est un titre qui s'appelle Entre deux rives. C'était important pour moi de faire un titre comme ça, sachant que je suis née en Algérie et j'ai grandi donc en France. Et c'est vrai que quand on a cette double culture, parfois on est entre deux rives. C'est vrai que quand on va en Algérie, on est française. Ouais. Quand on est en France, on est d'origine algérienne. Donc c'est vrai que des fois on a du mal à trouver sa place. Et moi je pense notamment à mes parents. J'ai grandi à l'Estac, dans les bidonvilles. Et c'est vrai que on a tous, je pense, des parents qui sont arrivés, qui se sont vraiment battus pour nous, qui se sont levés très tôt le matin pour travailler. Et on n'a pas toujours la reconnaissance qu'on souhaiterait avoir. Et voilà. Et même si la vie, elle est dure, et même si on se sent un petit peu étranger partout où on va, continuer à avancer, se battre. Et c'est important aussi pour moi d'écrire et de chanter ces messages aussi pour ces personnes-là qui sont comme moi. Toi, t'es arrivé à quel âge en France, Kenza? À l'âge de 1 an. C'est 1 an, ouais. Ouais, je suis née en Algérie, à Béjaïa, en Kabylie, et je suis arrivée à l'âge de 1 an. J'ai grandi donc à Marseille, dans les bidonvilles, jusqu'à l'âge de 10 ans, je crois. Donc voilà. T'as des souvenirs justement de cette époque jusqu'à tes 10 ans ou pas? Ouais, bien sûr, j'ai que des bons souvenirs. Hein. On vivait de pas grand chose, mais on était heureux, on n'a jamais manqué de rien. Et même si c'était difficile, je pense que ça forge le caractère, même si on est petit. il y a des choses qui restent et on a le sens des valeurs, on a le sens du partage, on a le sens de voilà, le respect des anciens, des personnes qui travaillent, le respect de l'argent aussi. Et voilà, et c'est pour tout ça aussi que j'essaie de rester simple, de rester humble. Et comme j'ai toujours dit, moi, voir ma famille et voir mes parents fiers de moi, ça me fait super plaisir, parce que j'aurais pu être derrière un bureau toute ma vie, j'aurais pas forcément été heureuse, j'aurais pas forcément pu réaliser les projets que j'ai fait, voyager, me faire plaisir à ma famille. Donc voilà, c'est aussi une réussite, et je suis très contente de me dire que je viens de très très très bas, donc je suis plutôt fière. Et d'autant plus, je pense qu'au début, quand t'as commencé à partir de la maison pour aller chanter, justement, ce que tu nous expliquais, ouais, et le parcours qu'on connaît de partir signer chez Charismatic, ouais, je pense que c'était un peu dur aussi pour la famille. Au début, c'était vraiment pas facile. C'est vrai, voilà, je suis une fille, je suis l'aînée, donc c'était un petit peu compliqué. La musique, c'est un peu l'inconnu, donc les parents ont un petit peu peur. Voilà, je suis une fille, même si j'étais garçon manqué, que mes parents avaient vraiment confiance en moi, c'était un petit peu difficile, c'était un milieu inconnu. Et puis j'ai persisté, j'ai fait mes preuves, mes parents m'ont accompagné tout le temps, les premiers temps, les premiers voyages à Paris, ils étaient avec moi, ils voulaient voir tout ce qui se passait. Et quand ils ont vu que j'étais bien entourée et que c'était vraiment un milieu, on va dire, j'avais vraiment trouvé un autre cocon familial, ben ils ont été confiants, et l'histoire a commencé comme ça, studios, les concerts et les albums et les tournées. Et l'histoire continue avec une date importante, on va pas la donner parce que c'est ma question de ce soir, c'est pour d'accord, repartir avec l'album dédicacé, mais okay, ceux qui suivent le Planète Rap le savent déjà. Quand aura lieu le concert au Zénith de Paris? Yes. C'est la première date annoncée. Exactement. Si vous connaissez cette date, allez-y, vous balancez un SMS 41759 avec le hashtag aussi Kenza Farah sur Skyrock, et vous repartez avec l'album dédicacé de Kenza Charismatic. Ouais, c'est ça, exactement. Simple. Allez-y, 41759, on met le morceau entre deux rives? Entre deux rives. Allez, c'est parti maintenant. C'est le bazar dans ma tête. Je ne sais plus quoi penser, où aller. Je me sens mal dans ma tête, je suis comme oppressée. Non, je veux pas souffrir. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Malgré tout ça, je regrette pas. Non, je veux pas souffrir. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. C'est ici que j'ai grandi, mais c'est pas là que je suis née. Non, non, non, non. Entre mon père et ma mère, non, je ne peux pas décider. Oh non, non, non, non. Enfant du monde qu'on a parqué dans des baraques. Faut pas s'étonner si on a le cœur qui craque. Nos parents ont taffé à s'en passer le dos. Cinq fois le front au sol, c'est ce qui me tient debout. Malgré tout ça, je regrette pas. Non, je veux pas souffrir. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. Je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. C'est ici que j'ai grandi, mais c'est pas là que je suis née. Non, non, non, non. Entre mon cœur et ma tête, non, je ne peux pas décider. Oh non, non, non, non. Dis-leur qu'on est ceux qui ont grandi avec la rage. T'attends pas, t'envoies leur bout et sauf l'âge. Leur méthode et tout leur discours. Du bloc qui attend de passer à l'acte. Ils nous ont oubliés, ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés. Je sens comme une insulte dans le mot étranger. Yeah. Non, je veux pas souffrir. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Malgré tout ça, je regrette pas. Non, je veux pas souffrir. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. Je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. C'est ici que j'ai grandi, mais c'est pas là que je suis née. Non, non, non, non. Entre rester ou déserter, je ne peux pas décider. Oh non, non, non, non. Mais malgré tout ça, mais malgré tout ça, je regrette pas. Yeah. Mais malgré tout ça, mais malgré tout ça, tout ça. Yeah. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. Non, je veux pas souffrir. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. Ils ne peuvent pas nous comprendre. On est tellement partagés. blessé. Entre deux rives, c'est en France que mon corps a échoué. Mais malgré tout ça, je regrette pas. Car il fatigue. Mais tout ça, mais malgré tout ça, je regrette pas. Entre deux rives, c'est extrait de l'album qui sort lundi, l'album charismatique de Kenza qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21 dans un instant du live. On va passer au live dans quelques minutes. Yes. On mettra aussi un petit morceau. Ouais. De l'album. MDF, interlude. Voilà. C'est une interlude vraiment où je me suis amusée, un petit peu rap, un petit peu sombre. Et voilà, vu qu'on est en mode rap, y'a Kailin, on va passer MDF. Canardo voulait l'écouter hier, mais on va la passer aujourd'hui. Et bah bougez pas dans un instant, juste avant, je te présente The Khalifa Aka de Briançon, ça va ? Ça va, ça va. En pleine forme ? Ouais, en pleine forme. Bon, toi tu viens rapper, j'espère en 1:30 que tu vas tout déchirer. Bah, on verra. Et bon, on essaye, c'est parti, c'est session freestyle par téléphone. Ok. J'ai... 05 les claques, c'est mon feu qui débarque. Mais beaucoup mes incras, car la ville est tétraque. Solution pour nous-mêmes, entre paix et désordre. Soumission ou égale, ça dépend d'où se place l'homme. Humain dans le moindre atome, c'est la même vie qui nous perce. Témoin d'un mot atroce. J'entends même pas l'instru en fait. Bah. Et là ? Attention, c'est parti. Ouais, ça grésille en fait dans le téléphone. Là j'entends mieux. Ici. Vas-y, on t'écoute. 05, les claques, c'est mon son qui débarque. Ouais, beaucoup de mes cinq craques, car la ville est détraque. Solution pour nous-mêmes, entre paix et désordre. Solution ou égale, ça dépend où se place l'homme. Humain dans le moindre atome, c'est la même vie qui nous perce. Témoin d'un monde atroce, ce sont des ordres qui nous blessent. La conscience part et bien, les conneries pas assez rien. Qu'on t'intertombe d'arriver à tenir en forme dans ce chemin. Argent, famille et soucis, la même pour tous les prérons. La galère psychologique qui abîme trop de mes potos. Pourtant, la démon. Mon pichera nous oblige à pisser sur la justice, juste un kiss mortel, suffirait à nous faire glisser. Ouais mais qui s'espère qu'on l'a pas un peu tué, qui veut plaire aux autres et qui reste dans son idée. On veut un monde sans haine, sans guerre, on sent, c'est mais sans comprendre qu'on suffira juste à tout faire sauter. Ah bah voilà, carré, court, rapide, efficace. Merci à toi The Khalifa Aka. Ouais ouais. T'as une petite dédicace à passer, un petit message ? Ouais, ouais, bah, ouais, je dédicace ma famille, Sandra, le petit Léo, Adrien, Céd, Alex, le Toulousain, Axel, Teddy, Jo, Aza, Elis, et ceux que j'ai oubliés, et aussi ceux qui vivent des moments durs, bah, garder la pêche, hein, même si c'est pas facile, garder la pêche. Eh bah, merci à toi, et bon courage ouais. À vous tous, merci The Khalifa Aka. Ouais, ouais. Qui est avec nous ce soir dans Freestyle. Vous aussi venez rapper, inscrivez-vous en 41759, tout comme pour faire tourner la roulette 41759. Kenza, on met donc ce morceau qui est. Morceau interlude, ouais, MDF. Et après, on attaque le live. Ok. C'est parti. Wang, tu es dur, connais Marseille, non, je ne suis pas à mon coup d'essai. Kenza, y'a quoi, fait tous les blessés. Rap, street, R&B pur, c'est le cinquième album, je me pose un zolé. Charismatique, je sais que tu connais. Toujours sur les ondes sans retourner ma veste. Mais dites-moi qui peut-elle, qui peut-elle, qui peut-elle. J'ai pris du recul, pris de l'âge, c'est normal que l'on rêve. Que l'on rêve, que l'on rêve, que l'on rêve. Ma priorité, c'est la famille. Non, je cherche pas de nouveaux amis. Tu me connais, je sais plus t'es qui. Peut-être qu'un jour t'es VVQ. Quoi qu'ils disent, on a du vécu. Nos blessés par balles n'auront jamais de sécu. Militant depuis le début, ce texte ne verra jamais le jour comme du PQ. La vérité, c'est qu'il n'y en aura jamais, surtout si tu regardes la télé. Les frères sont drogués, les sœurs devinent des tasses. Mais dites-moi, c'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fêlé? Je crois que je me pose trop de questions. Finir en camisole, y'a quelque chose qui tourne par rond. Je deviens par où faut que je m'isole. C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi? C'est quoi ce monde de fait? C'est quoi ce monde de fait? MDF, Monde de Fêlé, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ouais. Extrait de l'album. Petit exercice de style. Yes. Peut-être un jour aussi un album totalement rappé pour toi, Kenza. Ouais, ou pas. Ou pas. Ou pas. Peut-être Kaylin. Je laisse ça à Kaylin. Eh bah, Kaylin, on commence par qui alors dans le live? Comme vous voulez. Comme vous voulez, hein. Abdel, alors, tu veux rappeler un petit truc? Bah oui, attends. Ouais, je vais commencer. Attends, il y a bien des retours, Kaylin, tu peux faire ton retour. J'ai jamais commencé pour faire mon retour. Il est pas encore arrivé. Tu veux que je sorte les dossiers? Frédérico fait gaffe. T'avais une sacrée coupe à l'époque. Tu veux que je sorte les dossiers? T'avais une sacrée coupe à l'époque, Fred. Mais ouais, mais ça s'entend pas, moi. Bon alors, Kaylin, je vais commencer, comme ça on finira par la princesse. Et... DJ Goldfinger est aussi de retour dans Planète Rap, ça fait plaisir, c'est lui qui est au platine ce soir. Yes. On est prêt? DJ Goldfinger. Tu fais quoi comme morceau, Kenza? Je vais faire Chute Libre, et après je ferai 25-01-2007. C'est parti maintenant dans l'émission, les images sont dispo sur skyrock.fm ou sur l'appli Skyrock. Yep. Souvent, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Et il me dit tout le temps, t'inquiète pas, je vais me ranger. Toujours la même chose, je sais pas pourquoi il me tourne le dos. Toujours la même chose, quand je vois traîner sur le béton. Hey, oh. Toujours la même chose, il veut pas lâcher son ghetto. Toujours la même chose, et moi je me pose un tas de questions. Le bateau, faut vraiment que tu prennes le large. Je veux que tu te vaisseaux avant que le sort de sa charme. Quitter le bateau, faut vraiment que tu prennes le large. Je veux que tu te vaisseaux. Tu veux grandir vite, vite, vite, ralenti. T'imagines pas, t'imagines pas. Tu veux tout prendre vite, vite, vite dans la vie. Mais tu comprendras, tu comprendras. Plus je vois changer, il me dit que je prends la tête. Et je lui dis souvent, un jour ou l'autre, va falloir payer. Et il me dit tout le temps, t'inquiète pas, je vais me ranger. C'est dans la descente que tous tes potes te tournent le dos. C'est dans la descente que tu voudras déserter le béton. Hey, oh. C'est dans la descente que tu te poseras des questions. Que tu te poseras des questions. Hey, oh. Quitter le bateau, faut vraiment que tu prennes le large. Je veux que tu vaisseaux avant que le sang s'acharne. Quitter le bateau, faut vraiment que tu prennes le large. Je veux que tu vaisseaux. Faut que t'évites vite cette tragédie. Tu reviendras pas, tu reviendras pas. Malgré les coups de vis, vis, vis de la vie, je serai là, je serai là. Et chaque jour tu me mens, j'ai le mal de toi. Et je t'imagine tout seul et loin de moi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Après la tempête et quoi qu'il arrive, je t'abandonne pas, je t'abandonne pas. Marseille, le 25-01-2007. Désolée maman, mais aujourd'hui je prends le large. J'ai trop d'images qui m'emportent. Ne t'inquiète pas, tu es toujours cette petite fille sage. Mais on ménage, pardonne-moi. Ne t'inquiète pas si j'ai toujours la tête dans les nuages. Y'a rien de grave, je cours qu'après les notes. Les mecs, les boîtes, les thunes, tout ça, je te jure, ça m'est égal. En musique, je m'évade, je me sens plus fort. Comme ce bagage, ah, ferai toujours rester dans vos bras. si par quoi je parais distante. Ma pudeur me ronge, mon amour pour toi déborde. Je sais, je suis l'aînée, donc je me dois de montrer l'exemple. Fais-moi confiance, tu seras fière de moi. Ma passion m'anime et m'appelle, je t'en prie, n'aie pas peur. Je garderai mes valeurs, quoi qu'il en soit. Le jour viendra où je te présenterai l'élu de mon cœur. Tout ce que j'espère, c'est qu'il soit comme toi. Comme seul bagage, ah, ferai toujours escale dans vos bras. La musique m'emporte, elle me donne des ailes. Et si je m'envole, je garde l'essentiel, l'essentiel. Kenza, c'est le morceau, qui ouvre l'album, yeah. Celui-ci. Hein. Merci beaucoup, DJ Goldfinger au platine. Et bah ça continue, yeah. Maintenant avec Maître Kylin. Yes. Prête à plaider? Oui, tout à fait. Prête à kicker? Kylin, fais du bruit là! C'est parti maintenant. Ok, charismatique, Kenza Farah, Kylin, hey. Skyrock, hey. Quel combat tu me parles, moi j'ai toujours été dans le crash, yeah. Depuis l'époque de Tantique, les œufs fajastiques, je suis rodage, yeah. J'ai le cœur large, j'ai les rêves sans barricadage, yeah. Walkman, feuille, et je m'évade comme une haragamate. L'artiste, craquif, plumé qui sait, je gratis, yeah. Toutes vos flammes, je ratise, M.O.B.O. Yeah. Génier, prince de la ville, j'apprenais chaque titre, yeah. Je me fais des kiffs sur cassette et rembobine, yeah. Toujours discrète, mais d'un point de terre, c'est, yeah. Certain, la mif qui soutient le dîne, mon chemin. L'école, mon tremplin, au père, quatre, yeah. Chemins, ta terre. Suite 1, j'ai le flow algérien. Parisien, j'ai le flow algérien. D'où tu viens, j'ai le flow algérien. Parisien, j'ai le flow algérien. Ok, trop coriace pour les froussards, qui grave. Prisme et tout ce qui se passe, tes X, je les soulève. Et là, tu te demandes ce qui se passe. Mon grain de sable, je reviens le foot, tu perspicace. Mes punchlines, t'entendras parler quoi que tu passes. Ce qui fait le champion du défaitiste, c'est le niveau. Oh merde, sans maquillage, t'es prise pour James Dino. Hey, toutes les ratures, j'ai telles, t'as le même sac tout. Tu te rebelles, répète mes bacs, tu seras sur scène. Tes batailles, le rap n'est pas fait pour toi. Ray, rends les armes, et que ce thème, non, c'était pas Abdel. Sortez les peines, sans vous allez creuser, trêve de plaisanterie. Cette année, j'ai une baille du rap français. Des terres, ma hache de guerre de certains cas. J'offre comme un affaire, personne ne me gère. Les feux, j'ai les fleurs, mais ma sans mettre d'ici. Le patin, je passe au plan B. Quand je rappe, je suis seul, car pour sans route secours, je suis chevronné. Charismatique, Kenza, ok, Kylin. Dans les bacs, hey. C'est la folie. Charismatique. C'est la folie. Ok. Hey, Kylin. Kylin, la folie. Kylin. Kenza Farah. C'est la folie. Bande de plat l'équipe. Je cite charismatique. T'es venu, t'as reniflé, t'es parti. T'es pas de la team. Mon timbre de voix unique t'agite. Là tu cogites. Comme en attente du juge et de son verdict. Ton cœur palpite. Ramenez-les-moi toutes. Deux, trois passes pour tenter le doute. Matelas clash, viens péter la coupe. Charismatique, faites place sur la couche. T'auras jamais le look. Fais pas le youf, c'était une louve. T'as voulu te mesurer à nous. Nalbouk. C'est la folie. Et charismatique. Et c'est la folie. Kenza Farah. Yeah. C'est la folie. C'est la folie. 9, 3. 1, 3. C'est la folie. 7, 5, 0, 20. Plutôt simple, calme, posé. Le regard pourtant chargé. Sachez, les moins bavards sont d'office les plus starbés. Ma rue, une fierté que je porte comme un trophée. Numéro 1, rien pire qu'une devise. C'est mon métier. Chez nous, les bras ouverts, on t'accueille. Sourire aux lèvres, la tête pleine de rêves. Et d'ambition pire qu'une relève. On a grandi son tas faisant de chaque épreuve une victoire. De chaque mot, une histoire. De chaque cause, un combat. Le petit frère tape le ballon à 5 rapions. Il revendique une carrière à la Zizou en pleine Coupe du Monde. Nos sœurs, celles qui seront les mères de demain, font du respect une valeur sûre dont elles prennent soin. Hey, familiale et l'atmosphère dans nos quartiers. Qui aime bien, j'arrive bien à longueur de journée. Dans nos rues, y'a cette différence de culture. Celle qui fait notre force, nous unit en cas de couture. Hey, c'est la folie folie. C'est la sympa. Yo, c'est la folie folie. Kylie, charismatique, charismatique. C'est la folie folie. Quelle sympa. C'est la folie folie. Caillon freestyle sur Sky, tu reconnais. Correctionnel, même le juge est impressionné. Pour toutes mes sœurs et mes frères, je viens représenter. De prennent à boire d'Arcy à Nice, faut pas déconner. Ok, hey. Faut pas déconner. Changement d'ambiance, Goldfinger, au platine. C'est Kylie. Ok, on change complètement d'ambiance maintenant. On est toujours en été chez Charismatique. Yeah. Kylie. Qui débarque à Eileen pour le Delport. Sortez les quads, la compile et le Raptor. C'est le tube de l'été, pas ceux qui dorment. Tac par un pas à l'ancienne, à la Jackson. Put your hands up, what, sort du décor. Charismatique, je remets tout le monde d'accord. Ouais, je rappe fort, c'est mon point fort. Tout le monde bouge, tech tech, mon son résonne. Je fais mon entrée, façon DDR. C'est plus des pics que je lance, mais des séquaires. De mon couplet, tout est dur, l'air. C'est plus des flots que je prends, mais des averses. Kylie, tu reconnais la petite. Very charisma, personality, ouais. Allons jouer opposé, là tu savoures à 30 doses comme un petit tout pack chaque. Bravo maître Aubert, bravo. Merci, j'aimerais aussi faire une dédicace donc à mon frère qui m'écoute, à ma mère, à Lisa, Yanis, Dinia, Rebia, Sophie, Akima et puis tous ceux qui m'écoutent et qui me soutiennent, Shafik, Kenza, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très lourd. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu du rap féminin comme ça. Grâce. Moi, je suis une grande fan de Jams et depuis Jams, franchement, pour moi, personne. Kylie, elle est là. Et attention, c'est la qualité. Elle revient. Elle c'est est la là. Qualité. C'est la qualité. Merci. Merci Kylie, en tout cas. Beaucoup. Donc on attend un son, c'est ça, dans les semaines à venir. Hein. Yes. Qui est enregistré, un projet par la suite. Exactement. Donc je me tourne vers Abdel en fait, parce que c'est toi ça qui va arriver très vite. Ça va aller vite. Ça va arriver très vite. Ok, bah, on suivra ça. Très vite. Yeah. Et puis bah, bon courage aussi pour la suite. Hein. Merci. Officiel Kylie sur Twitter. Allez tous la follow, il y aura des nouveautés. Follow. Allez cliquer. On va saluer Goldfinger qui était au platine aussi. Yeah. Merci Goldfinger. Goldfinger, on te retrouve demain, mais t'es en soirée aussi, on peut te retrouver un peu partout dans toute la France. Bah ouais, écoute, vendredi je serai au Chat Noir à Dijon et au Select samedi dans le 91 à Chilly-Mazarin. Voilà, les grosses soirées Goldfinger, toujours avec les sons, exactement. Les meilleurs sons mixés par Goldfinger près de chez vous. Et puis d'autres projets Goldfinger ou pas? Il y a des trucs qui... Ah, ça y est, je l'ai perdu. Ouais, on parle en même temps, pardon. Il y a deux projets qui arrivent, il y a une compilation qui arrive avec des inédits et puis il y a un gros projet d'album. Avec, j'ai invité Kenza Farah. Yeah. J'espère qu'elle répondra présente. Avec plaisir. Yes. Avec grand plaisir. Gros grand projet. Monsieur. Gros merci à DJ Goldfinger. Merci beaucoup. Merci à Nabila qui était là aussi en renfort ce soir. Toujours. Yes. Nabila, elle est là, belle label, charismatique. Ouais. Elle sera là demain. Demain, ça sera une soirée spéciale fille. Donc Nabila, elle va nous faire un live comme elle sait les faire. C'est-à-dire découper ça, quoi. Et ben, ça va découper ses verres. Il n'y a pas de secret. Nabila, c'est, pour moi, c'est une des plus belles voix. C'est la chanteuse. Pas parce qu'elle est dans mon label, mais elle a une voix magnifique. Merci. Et demain, elle va vous dévoiler ses talents. Mais demain. Demain, voilà. Demain. Aujourd'hui, elle était là en renfort. Voilà. On était là pour Kylie, pour la petite sœur. Et puis voilà, ben, merci pour tous les messages qu'on reçoit dans le studio. Et voilà, merci à tous de nous soutenir le label. Je fais un gros bisou à tous. Je fais un gros bisou à mon tonton Nadir qui m'écoute, à tous ceux qui me soutiennent, à Marseille, au 93, à toute la France, à ceux qui aiment la musique. Voilà, on a travaillé cet album avec le cœur et voilà, j'espère qu'il vous plaira. En attendant, ben voilà, mes deux petites sœurs, les deux seules artistes féminines de mon label, donc Nabila et Kylie, elles sont là et il y a des projets qui arrivent très très lourds. Voilà. Et ben, on suivra ça. Juste avant de se dire vraiment au revoir, on fait tourner la roulette. Maintenant, c'est parti. Okay. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre Sin City, j'ai tué pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Salut Franck de Ponto Combo, ça va bien Franck? Ouais, ça va Fred et toi? Bah écoute, en pleine forme aussi, bienvenue, bonne soirée à toi Franck. Ouais, merci. Tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, y'a pas de soucis. Allez, c'est parti, c'est lancé. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, Franck, c'est... Direction ciné, les places de ciné pour Sin City, le film qui est sorti la semaine dernière. Film Skyrock, c'est pour toi, il y a 4 places en tout Franck. Ok, nickel, merci, c'est cool. Passe une bonne soirée. Je pense Ouais, passer une dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Ah, ben une dédicace à toute l'équipe, à Kenza. Merci. À ma chérie, ma sœur et à tous mes potes qui se reconnaîtront. Merci Franck. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci Kenza. Merci. Demain merci de retour. Demain de retour, soirée filles. Demain, j'ai invité des artistes, chanteuses féminines que j'apprécie. Tu vas donner déjà 2-3 nombres. C'est qu'il y a Nabila. Nabila, elle sera là, bien sûr. Nabila, où je suis, elle est. C'est ça. Après, le reste, c'est surprise, mais c'est des artistes que j'apprécie, chanteuses avec qui j'ai de très bonnes affinités. Et voilà, elles seront là demain et on va faire un beau live aussi tout ensemble. Et ben ça alors, sera cool. Et lundi, l'album dans les bacs. Et lundi, ouais, et toujours en précommande maintenant. Il est déjà sur exactement, iTunes. Exactement, sur iTunes. En précommande. Et le Zénith de Paris. D'ailleurs, c'était la question du jour, c'est vrai, on n'a pas fini la réponse. Le Zénith, c'est le 25 janvier 2015. 2015, exactement. Après 2007, 8 ans après, bam. Exactement. 25 janvier 2015, Zénith de Paris. C'est ça, Zénith de Paris, grande fête, gros son, 5 albums, donc vraiment le choix. On va faire ça bien. Et je remercie encore une fois tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont là. Et demain, encore des nouveaux sons, des nouveaux titres. Et voilà, merci à tous. Merci Kenza, on va retrouver D-Fool. Maintenant, il y a une grande nouvelle. Ce soir. Hein. Ah. Gigo. Ah. Oui, tu es déjà au courant. Gigo. Super. Est-ce que Kenza, tu as participé au clip, Kenza? J'ai pas pu, non. C'est sauvé, ouais. J'ai pas pu. C'est dommage parce que hier, il y avait un casting hier. Ah ouais. Il manquait 2-3 plans. Bah oui. J'aurais pas passé le casting, je pense. Mais si, Kenza. Tu me demandes à moi et je te fais faire le casting, pas de problème. Non, mais je te jure, ça va, merci. D'accord. Bon, il arrive quand alors? Il arrive dans la demi-heure là. Dans la soirée. Ah, je pense qu'on va même le regarder tous ensemble, vous tous à la maison, nous c'est tous lourd, à la maison ou ailleurs. Gigo. Et on va gigoter ce soir sur Skyrock. Je crois qu'un remix se prépare déjà avec Kenza. Ah, oui. Freestyle. Alors, Kenza, si tu veux qu'on t'insère dans le clip, on pourra faire d'autres versions, hein, tu sais. Pas de problème. Maintenant je suis au contact des plus grands clippers du monde, on peut le faire aussi avec toi. C'est pas Momo qui a fait le clip, non? Non. Je rassure tout le monde, vous pourrez aller le voir, ce n'est pas Momo qui a fait le clip. Par contre, il paraît qu'il apparaît sous une face cachée, Momo. Ah oui, ouais, sous une fesse cachée. Sous une fesse cachée. Plus. Momo, c'est bien, hein. Bravo, Momo. C'est un sacré gigoteur. C'est Marie qui le dit, en plus. Eh ouais. Merci Kenza, on te fait gros bisous. Merci, gros bisous, à demain. Et oui, à demain avec le spécial fille, c'est Fred qui a donné la chance. À demain. Bah ouais. Demain, Fred, il met la chemise, à ce qu'il paraît. Ah, beau gosse. Si tu veux. Beau gosse, ah oui. Tu veux que je vienne en chemise? Je vais venir en chemise demain, pas de problème. Au top, le Fredo. J'ai une des collections de chemises incroyables chez moi. Au top. Je vais choisir la plus belle. Je vais la choisir la plus belle pour demain. Merci. Et puis, un petit privilège pour toi, Kenza, une bise du prince du hip-hop qui vient de faire son entrée dans le studio sur le tapis rouge. Ah, ça tue. Il est là. Je suis flattée. T'as dit ça tue? Pas ça pue. Hein. Non, ça tue. D'accord. Bonsoir Kenza, j'étais dans. J'étais en train de gigoter. Ouais, j'étais. Il y avait une émeute autour de moi là. Ah, j'imagine. Ah, bah, tu as mis ton bling ou pas? Non, pas ce soir là, je suis venu simple. Ouais, bah, heureusement. Je suis avec ma voiture avec chauffeur. Mais je sais que. C'est normal. De toute façon. On t'embrasse Kenza. À demain. Bisous, à demain. Ciao. Bisous. Et c'est parti pour la radio libre sur Skyrock. Et c'est parti dans un instant avec le son de Soprano. Soprano qu'on va retrouver avec Jeffrey et avec des glaçons. Oui, avec des glaçons, avec tout le reste. C'est Fresh Prince qu'on va retrouver, sinon vous nous appelez au 01 53 40 30 20, vous attend en direct dès maintenant. Vous nous appelez, on mettra le clip, comme l'a dit Fredo et comme on l'a dit avec Kenza. Ouais. Et puis on aura un clash de la drague et puis on fera le top bug. Enfin, on a plein de choses à faire. Radio Libre, 01 53 40 30 20, vos messages sur le 41 759, le skyrock.fm. Et on déchire tout avec Soprano qui arrive dans une minute sur Skyrock.